Bismillahir Rahmanir Rahim. Les éditions Dammage ont le plaisir de vous présenter Tahrimu Tashabbuhi bil Kafirin, l'interdiction de ressembler aux mécréants. Un cours donné par le frère Mounir Al-Maghribi Hafidhahullah Ta'ala au sein du centre d'études islamiques Darul Hadith Salafiyyati bi Dammaj au Yémen. Cours numéro 1. Nous demandons à Allah Azza wa Jal que ce travail soit profitable à l'islam ainsi qu'aux musulmans. Bismillahir Rahmanir Rahim. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالدين القيم والملة الحنيفية وجعله على شريعة من الأمر أمره باتباعها ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون أما بعد يقول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير ويقول عز وجل إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. ففي هذه الآيات بين الله تبارك وتعالى أن للمسلم أعداء وعلى رأسهم إمام الكفر والضلال إبليس الملعون لعنه الله. قال إن الشيطان لكم عدو. وكذلك جنود إبليس قال إن الكافرين كانوا لكم عدوا. فأيها المسلم حفظك الله لابد أن تعلم وتفهم هذا أن من سنن الله عز وجل في كونه أنه جعل للصالحين أعداء من المجرمين. فالله سبحانه وتعالى إلى donné à ses serviteurs aux croyants. Il a donné des ennemis. وهذه, comme on l'a dit, c'est sunnatullah عز وجل في خلقه. هذا c'est من باب الابتلاء. C'est pour éprouver ses serviteurs, subhanahu wa ta'ala. Et à la tête de هؤلاء, de ses ennemis, Iblis. Al-Mal'oum. وعلم, أخي المسلم, ووفقك الله, أن هؤلاء الأعداء الكفرة لن يرضوا عنك حتى تتبعهم وتترك الإسلام. هذا لابد يفهم comprendre هذا أن هؤلاء الأعداء إبليس et ceux qui le suivent parmi les kuffars المنافقون ils seront pas satisfaits de toi أيها المسلم حتى تدلس ton دين حتى jusqu'à ce que tu les suis عياذا بالله. فلهذا أخبر الله عز وجل عن هذا في كتابه. الله سبحانه وتعالى nous a montré le but de هؤلاء الكفار في القرآن. قال سبحانه وتعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. والآية صريحة واضحة أن هؤلاء اليهود والنصارى إذا كفار ils seront pas satisfaits toi أيها المسلم حتى تتبع ملتهم jusqu'à ce que tu les suis. Et si tu les suis ça implique que tu délaisses ton dit وكذلك قال عز وجل مخبرا عن هؤلاء الكفرة قال ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. الله سبحانه وتعالى في هذه الآية اتمنت أن لبت لس كفار سكتدلس تنظيم لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا لماذا؟ حسدا من عند أنفسهم لأنهم قاتلهم الله إذن حسد إذن جالوا أن هذه الأمة هنا دين حق هنا القرآن هنا البروفيت عليه الصلاة والسلام هنا الشريعة هم يصاب هذا ف leur jalousie يعني elle les pousse à vouloir et à croire هذا أن leur but أيها المسلم c'est que tu délaisses ton دين. وقال عز وجل كذلك قال سبحانه وتعالى في القرآن ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء ودوا أي زسبر إذل أيها المسلم كتدلس تنظيم كتدفين كافر كم حتى يبلد ديفرنس أنت تان كافر وإنسى دي كفر. فإذا علمت هذا وفهمت هذا فاعلم كذلك أن الكفار لا يزالون على هذا قديما وحديثا. هذا لي فيرسي كون سيتي سي با كو يعني سي تاع ليبوك لي كفار يكومبات البروفيت الى اخره. اما الان لا ابدا لا يزالون على هذا يحاربون المسلمين في دينهم في لغتهم في لباسهم في معتقداتهم في كثير من الامور كما سياتي معنا. والدليل على هذا لا بروف ان الكفار ils ne seront pas là يوم القيامة de combattre le musulman حتى يدلس son دين. قول الله سبحانه وتعالى ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا. وتامل ميديت بيان sur le début du verset ولا يزالون. لا يزالون يفيد الاستمرار اي ils ne seront pas. Je peux le traduire à Hakada. Ils ne cesseront pas de vous combattre hatta s'ils peuvent يعني, que vous sortez de la religion يعني, ils le feront. Ils ne stata'ou s'ils peuvent. S'ils peuvent. لأن الأمر إلى بيد الله من قبل ومن بعد. ف أيها المسلم بهذه الأدلة avec tous les أدلة الآن qu'on a cité من القرآن compris, Inch'Allah, annaka te mahsoud min haoula il a'da. Annaka te mahsoud li annaka tahmel Inch'Allah ta'ala hada din al-azim. Fa anta ayuha al-muslim, y a des personnes qui veulent du mal. Al-Yahoud, al-Nasara, Iblis, Junud Iblis. Fa anta tu sais anna haoula, ils veulent ton mal. Li annaka t'es à la ni'ma que eux ils n'ont pas dîn al-haq. قال عز وجل وراديت لكم الإسلام دينا. فالله عز وجل رضي لنا هذا الدين. فهم يعني ils ont de la jalousie pour هذا. C'est pour ça qu'à tout prix veulent enlever هذه النعمة. وبهذا tu comprends أن هؤلاء الكفار يبغضون المسلمين. Ils détestent les musulmans. كافر من الكفار خصوصا يهودي نصراني شيوعي أي ملة الكفر تطلي ملل ونحل يدتست المسلم إلا يدتست حتى تلمكن يدتست يفل لينفي هذا الدين حتى يدفين كم فتكونون سواء. هكذا قال الله سبحانه وتعالى ومن أصدق من الله قيل. تسكن ستة الآن لأدلة سي كلام رب العالمين. C'est lui qui a créé le kuffar, c'est lui qui a créé le muslim, c'est lui qui a créé Iblis. Il sait très bien, subhanahu wa ta'ala, c'est l'alim et c'est le khabir, يعني, qu'est-ce qu'ils ont dans le cœur, ha'oula. Fala taghtar. Ça ne te fait pas avoir un taïu, al-muslim, les rumeurs, les on dit kada et la akhri, anna al kuffar ils veulent pas du mal aux musulmans, ils aiment bien les musulmans. Tout ça c'est du kadib. Tout ça c'est du kadib. Wa isma ila kalam al imam al allama Muhammad ibn Salih al Uthaymeen rahimahullah. Al ulama ils connaissent hada, li'annahum yakunnasul Quran. Les ulama ils se basent sur le Coran, ils se basent pas sur les on dit. Abadan. Allah subhanahu wa ta'ala il nous a montré que les kuffar nous détestent et veulent, s'ils pourraient nous enlever de dîn, ils le feraient. Fa, c'est ça le haq. Qala Cheikh ibn Uthaymeen rahimahullah, qala innahu yajib an ya'rif al-insan anna a'da' al-muslimin yakidun lil-islam wal-muslimin min kulli wajh wa fi kulli zaman. Cheikh ibn Uthaymeen l'an il te fait une nasiha, tu dois savoir ayyuha al-muslim anna a'da' al-islam اليهود والنصارى يكيدون للإسلام الكيد معروف c'est la ruse, ils essayent de faire du mal إلى آخره والمسلمين من كل وجه انتبه للفظ من كل وجه par tous les moyens هم que ça soit يعني ils s'attaquent au gouvernement musulmans politiquement ou économiquement ou avec tout ce qui est relation avec la santé, avec tout, avec l'ilm, avec l'éducation, avec que ça soit les attaques par la femme, par kada, par tous les moyens ils essaieront de te faire du mal. Et hada on le vit nahnu, on l'a vécu et on le vit. Qala wa la yakhfa alayna jami'an, on est toujours dans kalam Cheikh Al-Uthaymeen. Qala wa la yakhfa alayna jami'an anna al-kuffar استعمروا كثير من بلاد المسلمين من بلاد الإسلام بقوة السلاح. الآن أنت هذا جلسي أن الكفار ils ont colonisé beaucoup de pays musulmans, le Maghreb, l'Afrique معروف, le Moyen-Orient, كثير من البلدان, en Asie. هذا ça montre le bord de الشديد, ça montre qu'ils veulent du mal. Est-ce qu'une personne qui veut du bien, il colonise un pays et il le ruine, il ruine les richesses, il tue femmes, enfants, vieux, il a akhiri? Abadan. Bi aydam. Qu'est-ce qu'ils ont fait à Oulal Muslimin? Ils ont rien fait de mal. Ça montre bord de l'kuffar. Anahum, ils ont pu, à un moment, à cause de la faiblesse des muslimines, katir minhum, ils ont délaissé beaucoup de min shara'i l'islam. فالله سبحانه وتعالى les a éprouvés بهذا. فالكفار ils ont aucune pitié, ils ont colonisé كثير من بلدان المسلمين. قال ولما أخرجهم الله تعالى أرادوا أن يغزوها بفساد الأفكار والأخلاق. شو معذبين الآن ce كلام il est مهم. Il te montre qu'à un moment ils ont pu combattre les musulmans avec les armes, la colonisation إلى آخره. الآن ils sont arrivés à un stade, ils ont plus de mal, min hadal bab. Lakin, ils ont une autre colonisation, et elle est plus grave, elle est plus dangereuse des musulmans, c'est ils colonisent avec l'afkar. Avec l'afkar. Al-kafir, il reste chez lui. Lakin, il t'harb et combat ton din avec des afkar. Avec des pensées, avec des croyances, avec des kada kada, hatta le musulman, il s'égare et il est chez lui. Et le kafir, il est chez lui. Hada. Ça te montre que la colonisation, elle se divise en deux, colonisation avec les armes qu'ils ont fait et colonisation avec des idées, avec des croyances il a akhiré, comme ils font l'an. Hada, c'est un kalam muhim. On l'a cité pour montrer anna al-kafir, il ne veut pas du bien à ayyuha al-muslim. Abadan. Et celui qui connaît l'histoire des colonisations, il y a hada. Fa ayyuha al-muslim, sois pas dans une rafla. Je ne pas baïd en hada. Pardonnez, on dirait qu'ils vivent dans une autre planète, un autre monde. Il a husnud dhan bil kuffar, tata'adjab min. Il parle des kuffar, ahiyanan, anta, tu crois qu'il parle des musulmans. Tu crois qu'il parle ulama, il a akhri. Houa, il est en train de parler sur des kuffar, en bien. Allah al-afiyya. Hada, imma il est ghafil, imma Allah alam bihal. ومن تأمل حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخبر أن اليهود حسدت هذه الأمة على التأمين. هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى. sallallahu alayhi wa sallam, il ne parle pas sur le fait de la passion, c'est le wahi. Il nous a informé en al-Yahoud, ils sont jaloux des muslimines pour ta'min, le fait de dire amin. Fama baluk, ha'oula, c'est des choses plus importantes. Al-tawhid, al-aqida, ila akhir. Al-ta'min, ils n'ont pas accepté. Al-ta'min, ils ont été jaloux. Qatalahum Allah. Falihada, akhbar Allah. سبحانه وتعالى في القرآن قال إن تمسسكم حسنة تسؤهم إن تمسسكم حسنة تسؤهم يبغل السياق الآية اللي في يهود والنصارى les gens du livre أنهم الله سبحانه وتعالى nous a informé أنهم si il nous arrive une حسنة que ça soit دين أو دنيا يعني un bien تسؤهم eux ils sont pas contents. Si nous on est contents, il y a quelque chose qui nous réjouit fi dunya ou fi l'akhira, eux, c'est l'inverse. Min shiddat al-bughd. Qal wa in tusibkum sayyi'atun yafrahu biha. Et si une sayyi'a nous touche, maladie, ou tremblement de terre, ou fi dinina ou fi dunya, ou dans nos enfants, dans nos femmes, ou min hadhi al-umur, hum yafrahu. Est-ce que tu avais un bord dans ta achat min hada? وقال سبحانه وتعالى في آية أخرى قال ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. انتبه للفظ من خير. لفظ من خير سي من ألفاظ العموم. نيمبورت كال خير بيتي أو غران. اليهود أهل الكتاب والنصارى والمشرك il espère أن aucun خير تتوش أيها المسلم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. فستكون في هذا فالواجب عليك أيها المسلم أن تحذر من هذا العدو que tu fasses attention. Et anta, tu le détestes كذلك fillah. Lui il déteste avec ses passions, anta tu le détestes fillah. كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. فأنta tu le détestes fillah. نحن le détestons pas les hawa. لأنهم ils ont كذا أو كذا أو parce qu'ils ont tel pays أو أبدا. نحن le détestons لأن الله سبحانه وتعالى le déteste. كما قال عز وجل لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. نحن on le déteste من باب العقيدة. لا تجد قوما je trouverai pas un مؤمن je trouverai pas un peuple qui croit يوادون المودة معروف c'est le حب c'est le fait d'aimer يوادون من حاد الله ورسوله أبدا أبدا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في تفسير هذه الآية قال فأخبر الله أنك لا تجد مؤمنا يواد المحادين لله ورسوله فإن النفس الإيمان ينافي مودتهم كما ينفي أحد الضدين الآخر. شيخ الإسلام يتكسليك الآن أن dans le cœur d'un مؤمن tu peux pas rassembler la croyance en Allah et aimer les kuffar. C'est impossible. C'est impossible. هذا لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله. الدليل هذا. فالمؤمن dans son cœur il peut pas avoir la mahabba pour les kuffars. أبدا. أبدا. Et on avait fait تفصيل نحن في هذا dans certains دروس أن si c'est المحبة لمن أجل دينهم هذا c'est grave. هذا c'est du كفر بالله عز وجل. وقد تكون لهوى إلى آخره. On a fait تنبيه هذا راجع تلك الدروس. قال فإذا وجد الإيمان انتفى ضده وهو موالاة أعداء الله. Si dans un cœur il y a de la foi, إيمان بالله عز وجل, فهذا الإيمان il va repousser محبة الكفار. Il ne pourra pas aimer le كفار أبدا. C'est un مؤمن بالله عز وجل. Comment il peut aimer Allah? Et il aime les croyants et il aime les ennemis d'Allah et les ennemis des croyants. C'est impossible. Je ne peux pas rassembler deux contraires. Abadan. قال فإذا كان الرجل يوالي أعداء الله بقلبه بقلبه أي لزام pour leur دين إلى آخره قال كان ذلك دليلا على أن قلبه ليس فيه الإيمان الواجب c'est un دليل si une personne elle aime les kuffars pour leur دين et il sait très bien ce qu'on a cité comme adillah et il sait qu'il faut les détester et il n'a pas de choubha في هذا et c'est pas من أجل الدنيا c'est من أجل دينهم فهذا son cœur il n'a pas d'إيمان كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية تفسيرا لقول الله عز وجل لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر فعقيدة الولاء والبراء c'est مهم أيها المسلم الولاء للمؤمنين الولاء c'est l'alliance أي tu les aimes et tu te rapproches d'eux c'est un مؤمن c'est ton frère par rapport à son إيمان كذلك عقيدة البراء أي tu désavoues et tu détestes الكفار ça c'est أصل من أصول ديننا عقيدة الولاء والبراء هذا سي مهم وهنا لابد من تنبيه أن هذا الكلام كيف ديتست الكفار إلى آخره سا فو با دير كيف لوغ فير دو ظلم أبدا أو ديز أتونتا أو توي غير المحاربين أو من هذه الأمور أبدا سا سي من مذهب الخوارج المنحرفين أما نحن ولله الحمد أنا من أهل السنة فأون لدتس بقلوبنا أما في حالة الأمن وغير المحاربين أون لغفئ أكمل قال الإمام الشيخ عبد العزيز بن باز عليه رحمة الله قال وليس معنى بغضهم وعداوتهم أن نظلمهم أو نتعدى عليهم إذا لم يكونوا محاربين نعم المحارب مثلا تدون ان بيي انت كما على époque de la colonisation مثلا ان بيي كافر une armée de kuffar elle veut coloniser un pays musulman et انت dans ce pays ففي هذا الحج كومبا فتوكل على الله وقاتلوهم هذا اما في حال الامن انت dans ton pays مثلا اي كافر il y a pas de guerre il y a rien du tout il y a un kafir il fait sa vie وانت في شأنك لا يجوز تبايع تظلم ابدا في هذا الحال تولي في الدعوة تولي في الدعوة et tu le détestes في الله tant que c'est un kafir ton cœur tu le détestes لكن le fait que tu le détestes ça veut pas dire que tu ne parles pas tu ne fais pas الدعوة لا tu le fais الدعوة هذا كيف سيتي الشيخ بن باز قال وإنما معناه أن تبغضهم في قلبك وتعاديهم بقلبك ولا يكونوا أصحابا لك c'est ça le معنى non on le déteste في الله ça peut pas être un ami un kafir تتعجب الآن يا دي مسلمين خاصة ceux qui vivent في بلاد الكفر تتخوف إلى أنا مي كافر تتعجب أنا مي كافر يا أخي تا مسلم أنت تا تا تا une عقيدة تا القرآن تا تا تا un prophète تا montré تا une طريق كيف تبا إمي هذا النجس الخبيث عدو الله c'est impossible هذا لكن ça veut pas dire أنك تبا tu le fais du dolm لا يجوز faire du commerce avec eux يجوز t'achètes de kada, tu parles avec lui, tu travailles avec lui, il y a des choses à dire l'humour. Lakin, tu fais attention à ton deen et tu le détestes, fillah. Et tu ne fais jamais confiance, c'est un kafir, il veut que ton mal. Wa al-matloub wa al-ma'mour lil-muslim an yuhadir min bilad haoula. Min bilad haoula. Mais vivre avec eux et l'akhiré, aslan, c'est interdit. Lakin, nous, on parle un, si tu es dans un pays musulman, tu peux avoir à côtoyer des kuffars. Dans certains pays musulmans, il y a des kuffars, des juifs, des chrétiens, des mouchriquins, il y a des choses. Donc, c'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est pas ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Toute cette introduction qu'on a fait, c'est pour rentrer dans notre sujet. Anna min samarat. Le fruit de cette croyance, à détester le kuffar, il va avoir une samara adhim. Wahia. أن المسلم كي دتست الكفار لا يتشبه بهم أبدا أنت الآن سي تو لي دتست تو سي كي تفول تو مال تادي أدلة من القرآن ومن السنة في هذا عقيدة الولاء والبراء سا فا دوني فخوي عظيم أنك تو لو غوسومبل با أبدا إي سي سا كلمتنا اليوم نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد يقول الله عز وجل في كتابه الكريم يبين أن المشابهة بالكفار لا تجوز حرام قال عز وجل ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. الله سبحانه وتعالى نوزع انتغديت شفيف هؤلاء ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا. وأخبر في سورة الفاتحة سبحانه وتعالى أن الكفار سيضلل. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالله سبحانه وتعالى dans ce verset il nous montre أنه لا يجوز أن نسويه ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا. On n'a pas le droit à هذا. وفي السنن أبي داود وكذلك في مسند أحمد عليهم رحمة الله من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تشبه بقوم فهو منهم من تشبه بقوم فهو منهم. الحديث حسن حديث ثابت. فلا شك أن هذه الأدلة وسيأتي المزيد تبين أن الفد غصب له كفار سحرام لا يجوز. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال إذا أكسبك لأدلة كنا ستة وهو رحمه الله إلى كتاب عظيم في هذا إلى كتاب عظيم فريد في بابه أحسن ما ألف في هذا الباب كتاب شيخ الإسلام اقتضاء صراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم كتاب عظيم جدا يتمنخ هذه المسألة لفت دتست الكفار يتبالغ وصنبلي. فأيها المسلم استفد من هذا الكتاب ستشوف العلم سيسا العلم قال الله قال الرسول يتكسبيك افك لكمبخيانسون للصحابة. فهذا الكتاب إلي مهم الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله إلى مختصر عليه إلى تعليقات عليه فيستفاد منها. قال رحمه الله قال ففيه أي الحديث المذكور دلالة على النهي الشديد والتهديد والوعيد على التشبه بالكفار في أفعالهم وأقوالهم ولباسهم وأعيادهم وغير ذلك من أمورهم التي لم تشرع لنا ولم نقر عليها. الشيخ الإسلام تكسبيك أن الحديث الكلير أن المسلم يدوى بغصب له كافر كساسوا دولا بغانس que ça soit dans la croyance, dans son intérieur, dans ce qu'il y a dans le cœur, l'aqida. La yajouz. Et nous, Inch'Allah, on va citer certaines masail pour expliquer هذا. Awalan, qabla هذا, masala, la boudan tufham, wa hiya dhabit at-tashabbuh al-manhi. Dhabit at-tashabbuh al-manhi. Ay, tashabbuh bil-kuffar, c'est comme qu'il est manhi. مثلا un kafir il mange de la main droite, est-ce que ça veut dire on va le khalif ou mange de la main gauche? Un kafir il laisse pousser sa barbe, est-ce que ça veut dire comme ils disent بعض الجهال on va pas laisser pousser notre barbe لأن الكافر il a laissé. هذا لابد انت يا ضابط حتى tu comprends cette مسألة et tu vas savoir c'est quand que t'as pas le droit de les suivre et c'est quand que si ton amal il est comme le leur, ça fait aucun mal. هذا الضابط. ضابط c'est ça, c'est un had, c'est une définition qu'on va donner, elle va te permettre de savoir c'est quand le tachabouh il est haram. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الكتاب المذكور اقتضاء سورة المستقيم قال أي ذكر بعض الأدلة في التشبيه في تحريم التشبيه ثم قال دل أي هذه الأدلة على أن جنس مخالفتهم وترك مشابهتهم أمر مشروع. أولا تكون خوان هذا أن الفت de les خالف de pas le ressembler c'est un أمر مشروع c'est une سنة c'est واجب ça fait partie du دين c'est une adoration. Celui qui les خالف احتسابا أي سنية c'est مثلا il met pas ce vêtement لأن الكفار il le met هذا il a du أجر et il est في عبادة. هذا أولا قال ودل على أنه كلما بعد الرجل عن مشابهتهم فيما لم يشرع لنا كان أبعد عن الوقوع في نفس المشابهة المنهي عنها وهذه مصلحة جليلة. الثاني يعني قال ودل على أنه كلما بعد الرجوع مشابهتهم فيما لم يشرع لنا. سيصد ضابط فيما لم يشرع لنا أي تبال دوا تغسل لهم كفار دون شوز كي با لجيفيري بور نو وغدان الاكزام دو لابار لابار منحنو لبروفيت صلى الله عليه وسلم سين سنة سوا جيب ينوزع مطخي اعفو اللحاء في كثير من الأحاديث. الآن c'est légiféré pour nous. Un kafir demain ou un groupe de kafir, une secte, il y a des sectes ahyanan, tu trouves toute leur jama'a et ils ont la barbe. Est-ce que nahnu l'an, une shubha va nous rentrer, on va dire, c'est des kuffars, ils ont laissé la barbe, il faut qu'on les khalif. On se rase. Abadan. Lianna hadi, c'est pas de la mushabaha. Lianna hadi shay lui-même, il est mashrou' lana. Nous on a des adillah pour le faire. Hada. Amma une chose qui n'est pas mashrou'a lana. Maintenant, garde toujours l'exemple de la barbe. Kuffar, l'an, kathir minhum, balal ghalib, ammat le kuffar, ils se rasent. Ils ne laissent plus pousser leur barbe. Enfin, nous, on n'a pas le droit de le ressembler. Fihada. Abadan. Ça prouve que celui qui se rase la barbe parmi les musulmans, c'est il ressemble au kuffar. Il ressemble au kuffar. Enfin, tabih, li hada dhabit, yanfa'uk, incha'Allah. Kadalik. قال رحمه الله بعد هذا قال ومتابعتهم فيما يختصون به من دينهم وتوابع دينهم اتباعا لأهوائهم. كذلك أنت لا شك أن للشوز سخاص بغوا بغلق دين لا يجوز نحن لسوي في هذا أبدا أبدا. إن شاء الله avec tous les exemples qu'on va donner هذا سوف être واضح. فالضابط أن المشابهة المنهي عنها في الحديث من تشبه بقوم فهو منهم أي بما يختص به الكفار أو ما ليس في شرعنا. أما الشيء في شرعنا et eux le font فهذا لا شك أننا on le fait نحن pas parce qu'on le ressemble à eux on le fait parce que c'est dans notre din. هذا مفهوم مفهوم إن شاء الله. مسألة أخرى وهي مهمة وهي شبهة شبهة في هذا الباب أن بعض الناس يقول إذا نصح يقول مثلا أنا ما قصدت التشبه. مثلا إذا بيكم كافر أنت تفعل كونسيلي تفعل يا أخي اتق الله t'as pas le droit de ressembler au kuffar et l'akhir. Il va dire, je me suis habillé comme ça et ma niya, mon intention, c'était pas de ressembler au kuffar. Hada, c'est mohim. Al-an, il y a une mas'ala qui va découler de ça, de cette shubha. Est-ce que le fait de ressembler au kuffar, c'est interdit si t'as la niya de les suivre ou c'est interdit mutlaqan? Fa matalan, بعض الناس, ils s'habillent comme des kuffar. Sa niya, c'est pas de suivre les kuffar. أحياناً اللي تدست هو لكن يسابي هكذا بعضهم يسابي pour ressembler à فلان من الكفار. Ça deux cas, un qui a l'intention de les suivre et l'autre il a pas l'intention. C'est ça notre مسألة. الصحيح في هذا أنه لا يشترط القصد لا يشترط لأن نفس التشبه سحرام من تشبه بقوم فهو منهم. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas dit s'il a la niyat kadallah. Nafs al-tashabbuh, c'est haram. Il a la niyat ou pas? S'il a la niyat de suivre les kuffars, enfin c'est pire. Voilà le chèque. Mithal, pour vous clarifier, هذا أكثر. Mathalan, واحد, il boit de l'alcool, mathalan. Et on lui dit, ya akhi, ittaqillah, la yajou, c'est haram, il a akhri. Il nous dit, ana, je le bois, lakin ma niyat, c'est pas de faire du haram. On va lui dire, Tania, ça peut être ce que tu veux. C'est haram, c'est haram. Léanna nefs, le fait de boire la boisson elle-même, elle est haram. N'importe quel niya que t'as. Amma, si tu bois et en plus, Tania, c'est de faire du haram, fahada, c'est grave. Et si tu bois, yani, comme on a expliqué, c'est haram aussi. Fa nefs, elle fait, elle est haram. Fa n'tabih, elle est hada. Yana, بعض الناس, ils ont cette chouba. Yana, je m'habille comme ça, mais yana, je veux pas suivre les Yahoud, je veux pas suivre Nasara. Nefs, elle fait, elle est haram. نفس الفعل إلى حرام. وهناك كلام لشيخ الإسلام ابن تيمية في هذه المسألة قال قال وقد تقدم بيان ما أمرنا الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم به من مخالفتهم. قال سواء كان ذلك بالفعل مما قصد فاعل التشبه بهم أم لم يقصد. هذا كي لقصد هذا يعني إلى الانتنسيون دو يفسا parce qu'il veut vraiment suivre les kuffars, amla, يعني c'est haram, c'est haram. Et là, chaque celui qui fait pour les suivre, il a akhiré, c'est pire. C'est pire. تعلمون أن الشر يتفاوت. فهذا والشيخ ابن عثيمين كذلك قال يعني بعض الناس لو قلت له إن هذا مشابه للكفار قال أنا ما قصدت المشابهة. الشيخ ابن عثيمين الآن يدنا مثال واضح. إجانا بعض الناس يديز هكذا. Moi, j'ai pas l'intention de ressembler au kuffar. Je fais ça, mais c'est pas pour le ressembler. قال شيخ ابن عثيمين تقول العلة متى حصلت سواء قصدت أم لم تقصد. العلة التشابه. Il est حاصل. Tu le ressembles. تانية c'est autre chose. C'est un autre ذنب هذا. فالنفس التشابه il est حرام. هذا. فالحاصل أن المسلم لأدلكنا ستة من تشبه بقوم فهو منهم الآية وغير ذلك سيأتي معنا كثير. الحاصل أن المسلم يدوى با رسمبل الكفار. S'il y a une chose que les kuffars font et c'est khas pour eux, c'est pas dans leur din, nahnu on s'écarte min hada, c'est du shar. Ça serait du bien, Allah subhanahu wa ta'ala il l'aurait révélé au prophète Mohammed alayhi wa sallam et il l'aurait légiféré pour nous. C'est que du shar. Fa ibta'id wa ta'ammal hadith أنس الذي أخرجه مسلم رحمه الله في الصحيح أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يواكلوها ولم يجامعوها في البيوت. معروف هذه من خصال اليهود أنهم إذا فيك كنت لغفام الزابي لغجل يابي الهجر تطلهم ساسوا بايكال يبعن بايكال ساستة اليهود. Il faisait comme ça avec les femmes qui avaient les règles. Tout le monde prétend qu'il a la liberté de la femme. Tout ça, c'est du kadhib. C'est min ashar an-nas. Haoula. Ils n'ont aucune rahma. Ni avec les femmes, ni avec les hommes, ni avec. Ils n'ont aucune rahma. Qala. Fasa'ala ashabu al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Fa les compagnons du prophète, ils ont demandé au Rasoul. Ils ont dit, ya Rasoulallah, les Yahoudi font kada. Fa qu'est-ce qu'on fait nous dès que les femmes elles ont les règles? Qala. Fa anzalallahu azza wa jal. ويسألونك عن المحيض الآية أي تدمون sur les règles. فالآن أنت تستفيد أن سبب نزول الآية سلا قصة هذه. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح. c'est سنة النبي صلى الله عليه وسلم طريقة الإسلام c'est ça avec la femme qui a ses règles. اصنعوا كل شيء إلا النكاح. tu fais tout. Tu parles avec elle, tu manges, il a akhiré. Lakin, al-jima' non. Les relations là. Dès qu'elle a ses règles, c'est ma'arou, c'est haram. C'est haram. Fa'andr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme il a khalif les Yahoud. Les Yahoud, ils avaient une tariqa, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il les a khalif moubachar. Les Yahoud, ils ont appris que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait dit kada wa kada. Ils ont appris l'histoire. Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, faites tout sauf les rapports. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Qatalahumullah. Ils ont dit, فقالوا, أي اليهود, ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه. اليهود, الحساد, ils ont dit, أن هذا الرجل, il parle du prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم, à chaque fois qu'il entend une chose, نحن on fait, il veut nous خالف, il diverge avec nous. Ça te montre, أن النبي صلى الله عليه وسلم, il faisait exprès de khalif al-Yahoud ou al-Nasara ila akhir. Ça te montre, anta ayuha al-Muslim, t'aimes ton prophète sallallahu alayhi wa sallam, fais suis-le. Laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasana. Fatastafid min hadha al-hadith deux choses. Deux choses. Anna le prophète alayhi salatu salam, à chaque fois qu'il pouvait khalif al-kuffar dans une chose qu'il n'y avait pas dans le sharia, il divergeait avec eux, il ne faisait pas comme eux, il ne les suivait pas. Abadan. Hatta les Yahoud, ils ont compris, ils ont dit, Had Rajul, chaque chose qu'on fait, il veut nous khalif. La deuxième chose que tu as fait, Anna al-Kuffar, si tu les khalif, ils n'aiment pas, ils ne sont pas contents. Walan tarda anka al-Yahoud, walan nasara, hatta tattabi' millatahum. Fa anhum. Dès que le prophète sallam il a divergé avec eux, ils sont pas contents. Ça montre an al kafir anta, dès que tu te sépares de lui, tu fais pas comme lui, t'as ton din, il déteste. Il déteste. Hada, on l'a vécu. Vous l'avez vécu. An al kuffar fi bilad al kuffar c'est ma'rouf, an dès qu'il voit un musulman, il commence à dériver, à s'égarer. Il s'habille comme eux, il parle comme eux, il se marie chez eux. Il a akhiré, ils disent, hada, il est bien, il n'est pas comme les autres. Sahih. Qatalahumullah. Ils disent, hada, il est kada. Hada kada. Ça montre que hada, il est fait khatar. Fais attention, ayyuhal muslim. Si un kafir, il est content de toi, c'est que t'as un problème. Ils n'ont pas été contents du prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Kayf anta ayyuhal miskin. Kayf anta ayyuhal dha'if. Ils vont être satisfaits de toi. Si le kafir est satisfait de toi, t'as un problème dans ton din. فلهذا نحن نجي هؤلاء طبقوا السنة أطلق السنة du prophète صلى الله عليه وسلم ta aqida dans ton cœur et apparence et tu vas voir s'il va dire celui-là il est pas comme les autres il va dire هذا il est comme les autres faut le remplacer صحيح ils sont هكذا c'est déjà arrivé هذا on a des gens ils traînaient avec des kuffars ils marchaient avec des kuffars ou ils étaient mariés avec des kuffars إلى آخره ثم الله سبحانه وتعالى il le guide ou les frères convertis ils connaissent هذا ou الله سبحانه وتعالى il le guide tu vois Wallah, du jour au lendemain, le changement de ses koufars. Il t'aimait bien, il parlait avec toi, il a akhiri. Du jour au lendemain, al-hajr, al-bond, il peut t'éliminer, il t'élimine. Ils font rien du tout, ils vont parler par derrière, et faqat. Faqat, qatalahumullah. Fantabi ayyuhal muslim. Ça c'est du din, nous on dit ça, min mabda dini. Nous on dit ça, c'est une aqida qu'on a. C'est pas parce que kada ou parce que kada, abadan. Et les adillah, ils sont wadih. Les preuves, les arguments qu'on cite, ils sont clairs. Celui qui veut, yani l'a guidé. وللأسف الشديد وقع في هذا العصر وقبله كذلك أن كثير من المسلمين وقعوا في هذه المعصية التشبه بالكفر كثير عدد كثير. Celui qui a été dans Bilal Muslimin, il le voit. L'apparence, c'est wadih. Kathir, Bilal Muslimin, un, wallahi, tu ne différencies pas entre lui et un kafir. Khassatan fi Bilal Kufr. Khassatan si l'apparence, il ressemble maintenant à kada ou kada. Anta, tu ne sais plus si c'est un muslim ou un kafir. Wallah, ahyanan, tu penses, tu ne sais même pas. Tu crois qu'anta, ce n'est même pas un muslim. Hada, c'est waqi. Wa fil haqiqa la gharaba. قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال لا تتبعن سننا من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه فالبروفيت صلى الله عليه وسلم انفورمي هذا انفورمي سأريفغا أن هذه الأمة أو كثير من هذه الأمة ليس كلها والله الحمد كثير من المسلمين على خير يغصن بارو كفار ني انتيريور ني اكستيريور ولله الحمد لكن بعضهم والعدد اللي با يسير انهم لو بروفيسور صلى الله عليه وسلم انفورمي يسويفرون الكفار شبرا بشبر ذراع بذراع اوكي كوا كيف الكفار ولو يغض ان ترو الى سوي كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم فنحن الان نذكر نماذج من هذا des exemples des choses que des muslimin ils ressemblent aux kuffar on va essayer de citer plusieurs exemples لعل celui qui veut le khair et celui qui veut le haq يعني ينفعه الكلام et on finira pas aujourd'hui le waqt dahab on continue 5 minutes الان on prend la première masala et le reste on finit demain inshallah المسألة الأولى لتتبعن سنن من كان قبلكم هذا وقع لاتباع هذا في الأفكار في الأفكار الأفكار c'est des croyances, des idées, des opinions الآن بعض المسلمين ils ont des أفكار les mêmes que le kuffar des أفكار هدامة خطيرة جدا des أفكار elles contredisent l'islam بعض الأفكار كما سيتي contredisent l'islam أصلا وفصلا c'est min nawaqid l'islam, comme ça y est, ma'ana. Tu trouves pas des musulmans, bisabab jahlihim, wa ghaflatihim, ils ressemblent au kuffar fi hada. Al-afkar, l'aqidah. C'est pour ça qu'on l'a cité en premier, l'yanna c'est la chose la plus importante. Wa fil haqiqa, nahnu ahyanan, dès qu'on parle de tashabuh bil kuffar, la première chose qu'on parle, c'est maintenant le pantalon, il se rase la barbe, هذه الامور صحيح هذا لا يجوز c'est من التشبه بالكفار لكن هذا c'est اهم لان هذا on a dit il y a des choses elles font sortir من الاسلام اما ce qu'on a cité la barbe le pantalon et l'akhir ça c'est haram ça fait pas sortir la personne de l'islam c'est un musulman aussi اما il y a des choses si tu ressembles au kuffar فيها et elles sont très répandues اليوم tu peux sortir de l'islam فهمت يا اخي. Entabé, gaspille pas ton din pour haoula al-mala'in. Ils te donnent aucun poids, ils te détestent. On a cité les adillah. Ils pourraient t'éliminer, te couper l'oxygène, wallah, ils le feraient. Enta, tu les suis et tu penses comme eux, et ils ont raison, c'est les meilleurs, les musulmans, ils ont rien compris. Hada al-umur. Akhi, taqillah. Taqillah, yawm al-qiyam, ce kalam, il va pas te faire. Tu vas aller où, yawm al-qiyam? Tu vas aller où, tout ce kalam, il est enregistré, alayk. Yawm al-qiyam, tu voudrais être avec les kuffars? فريق في الجنة فريق في السعير فشوزي ton camp أيها المسلم شوزي ton camp et reste avec le muslim et subir عليه ولو s'il a des fautes non dis pas que les muslims ils sont parfaits أبدا ils ont des fautes il y en a ils mentent ils ont de la rechoua il y en a ils ont كذا كذا معروف هذا لكن اسبر la solution c'est pas d'aller vers l'ennemi vers le kuffar et tu les suis هكذا et ils te manipulent فمن هذه الأفكار أخطرها الفكر الديمقراطي تصي مصيبة العصر الفكر الديمقراطي ونحن والله الحمد on avait fait une كلمة قبل ceux qui étaient avec nous on avait fait une كلمة في ضرر ومفاسد الديمقراطية ولله الحمد on avait détaillé لكن هنا c'est مناسب فان غزم ما قلنا اعلم أن الديمقراطية الكافرة الطاغوتية elle est مبنية على ثلاثة أمور. La démocratie, ils l'ont fondée sur trois choses. Al-hurriya, wal-musawa, wal-ukhuwa. Al-hurriya, la liberté. Al-musawa, l'égalité. Al-ukhuwa, fraternité. Ça, c'est shi'ar al-démocratie. C'est ça leur slogan, c'est ça l'emblème. Liberté, égalité, fraternité. Wal-Qur'an, kalamullah, rabbil alamin. والسنة النبي صلى الله عليه وسلم سيد المرسلين يوجد هذا لأن هذا الآن أنت أيها المسلم تدوى صفوه أن هذا سبا وحي سبا سنة هذا سمن كلام البشر سمن كلام الكفار ils ont fait des révolutions ils ont fait كذا des guerres إلى آخره à la fin ils ont été fatigués tout ça ils ont inventé هذا liberté, égalité, fraternité tout le monde fait ce qu'il veut on est tous des frères انتهى فأنت أيها المسلم t'as un Coran et t'as une سنة elle réfute ça. الغفل الحرية le premier fondement la liberté c'est باطل لأن الحرية عندهم حتى الحرية في الاعتقاد حتى الحرية في الدين مثلا t'es libre tu veux être musulman t'es musulman tu veux être juif t'es juif tu veux être chrétien t'es chrétien personne n'a le droit de te parler personne n'a le droit de te نكر عليك أبدا تليبو حرية الفكر حرية الاعتقاد حرية كذا ساسي غاد أخي المسلم أنت تعبد الله سبحانه وتعالى تكخي يا الله إلى دي وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فتتليب غنتا لا تعبد تكخي يا الله سبحانه وتعالى يتغضن دولا دغي وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء أنت مأمور مأمور أبل شوى في هذا أبل شوى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم سي الله سبحانه وتعالى إلى دكتين شوز البروفيسور صلى الله عليه وسلم أغضنين شوز أيها المسلم أبل شوى أبل شوى كما في الآية فطال شوى في هذا تي أوبليجي تسويف أوتون تو بو فاتقوا الله ما استطعتم فالحرية هذه اللي باطلة اللي باطلة آيات كثيرة كذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبر pour montrer à la personne, il n'est pas libre. Il n'est pas libre dans son dîn. Je choisis ce que je veux, je fais ce que je veux. Abadan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam أنه قال صلى الله عليه وسلم لم يسمع بيهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بي إلا دخل النار أو إلا كان من أصحاب النار الحديث Prophète صلى الله عليه وسلم il a montré أن n'importe quel juif ou n'importe quel chrétien qui entend parler du prophète صلى الله عليه وسلم et de son dîn et il croit pas au prophète et il croit pas en l'islam, il va en enfer. Enfin, c'est quoi cette hurriya qui t'emmène en enfer? Laisse-moi être pas libre et aller fil jannah. Ahsan li. Antabi ayyuhal muslim. Eux, c'est demain, ils te manipulent. Faqat. Le mot aslan, il ne veut rien dire. Liberté. Aladan. Là, chaque insan, il a un mode de vie. T'as pas le droit de voler, tu dois faire kada. Ils ont fait un code de la route, ils ont fait des règles. Là, chaque. Hatta, on vit en communauté, c'est obligé. Faqat, ils veulent emmener ce mot, t'es libre. Aïe, t'es libre, ma rabbal alamin. C'est ce qu'ils veulent eux. Aïe, tu délaisses le dîn. Amma eux ils te laissent pas libre sur la route. Le code de la route il est strict à indahum. Ils mettent des panneaux, ça sert à rien. C'est strict. T'es pas libre via ça. Avec Rabbil Alamin, Aqidah, Sunnah, le fait de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, fais ce que tu veux. C'est quoi le plus grave, de faire un accident de la route ou d'aller fin nord? Fantabihu ya ulil albab. Celui qui a un aql il réfléchit. Al mabda thani, al musawa. Hada kadalik, ça veut rien dire. Al-Musawa. Aïe, l'égalité. Nafs-shay, c'est ma'rouf, inda jami, hatta inda al-kuffar. C'est pas tout le monde qui est égal à l'autre. Abadan. Fulan, il est kada, Fulan, c'est un professeur, Fulan, c'est un élève, Fulan, c'est un prisonnier, Fulan, c'est un garde, Fulan, c'est un président, Fulan, c'est pas un président, ou hakada. Qu'est-ce que tu dis égal? Kadalik, eux, ils veulent, c'est pour dîn. Eux, ils veulent surtout pas entendre mithad al-kalam qu'on dit. Aïe, les kuffar, c'est des khobatas, c'est des dollars, on les déteste. Là, pour lui, t'es égal. T'es pas meilleur que lui et lui, il n'est pas meilleur que toi. Et tout ça, c'est batil. Qala azza wa jal. Afaman kana mu'minan, kaman kana fasiqan la yastawun. Ça, c'est kalam rabbul alamin. Enfin, on va croire qu'il a. Je sais qu'on va croire Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, il te montre. Afaman kana mu'minan, kaman kana fasiqan. Est-ce que celui qui croit, il est comme celui qui croit pas? Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit ils ne sont pas égaux. Qu'est-ce que tu dis là? On est tous égaux. Ça c'est du kufr billah azza wa jal. Il y a un takdhib, le Coran il est wadih. Qala azza wa jal, afanaj'alu al-muslimin kal-mujrimin. Ma lakum kayfa tahkumun. Allah subhanahu wa ta'ala, il te montre que c'est un hukm batil. Afanaj'alu al-muslimin kal-mujrimin. Est-ce qu'un muslim ça va être comme un mujrim? Une personne elle fait salat, il adore Allah seul, il suit le prophète, il respecte ses parents, il fait du bien, il a akhiri, il est comme un délinquant, il vole, il boit, il tue, et c'est un mouchri. Ça c'est bi-ay aql ou bi-ay din. Ou ayat ukhra. Fa mabda al-musawa, il est batil. Et eux, qatalahumullah, tu vois avec les musulmans, ils le font pas, hada. Al-an, hum da'iman, l'égalité. Prends le monde du travail, tu vas trouver, abadan, ils appliquent ça. Abadan. Dès que le maghrébin ou l'africain il vient, demi-tour. Et une légalité là. Et une légalité. C'est des khoubata, ils harbent le din, ils harbent les musulmans. Tout le monde ils emmènent ces mohadis pour manipuler ceux qui peuvent. Et tu trouves les asaf, les musulmans ils croient à ça. Allah le musta'an. Amma l'ukhouwa, ça c'est wadih. قال عز وجل لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله كيف هم يزابلوا لا فراترنيتي اون توس دي فرير الله سبحانه وتعالى يمطق ان المؤمن كما انا اكسبليكي سي امبوسيبل كي دام الكافر سي امبوسيبل اون لا ميم عقيده اون لا با لي ميم باز اون لا با لي ميم اوبجيكتيف نو انا نبي تو كرو با اون ان قران تو كرو با اون ادور الله سبحانه وتعالى تو تادور با كيف اون دي فرير من اين الاخوه لا فراترنيتي الي بازي سور الاسلام. فسأل أخوة المؤمن أخو المؤمن كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن أخو المؤمن لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه فلو فخير لا فخاترنيتي سي بو رابور ا لا فوا شاك لي مسلمون سي دي فخير أما اليهود النصارى إتو لي كفار لا سي با دي فخير سي دي زينمي قال عز وجل الآية لما ذكر قصة إبراهيم قال كفرنا بكم أي إبراهيم يقولها كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله. هذه طريقة الأنبياء. Les prophètes عليهم الصلاة والسلام ils nous ont appris هكذا بينكم بيننا وبينكم العداوة والبغضاء. العداوة c'est un ennemi. البغضاء c'est le bourde, c'est tu le détestes. C'est ça le kafir. Tu le détestes et c'est un ennemi. حتى تؤمن بالله. فسي يكرو الله et se convertit l'akhir, c'est notre frère. اما c'est un kafir, c'est pas notre frère. ابدا. فتوسي افكار الان. La démocratie l'akhir, elles sont منتشرة جدا بين المسلمين. بعض الناس الان c'est un مسلم الى القرآن الى السنة et il croit que démocratie c'est حق. حتى بعضهم ils appellent la démocratie الاسلامية. صلى الله العافية. Comment ils ont rassemblé le kufr avec l'iman? C'est impossible. Fahoum, ils le disent. Bissabab djahl. Et bissabab, ils sont manipulés par بعض الناس. Wa huna, tambih, wa fa'ida, anna l'insan yahadar, al-muslim yahadar, min ba'd du'at al-dhalal. Fi hada al-asr, min al-muslimin, min firak al-dhalal, ka firqat al-ikhwan, al-muslimin al-dhalal, ils appellent les musulmans à hada, au nom de l'islam. Au nom de l'islam. Isma' ila kalam imamuhum Hassan al-Banna قال Isma' l'an c'est un imam min a'immat ha'ula l'ikhwan. C'est un groupe égaré. Houa c'est un égaré Hassan al-Banna. Isma' tu vas comprendre pourquoi ce fikr il s'est propagé chez les musulmans. قال وليست حركة الإخوان موجهة ضد أي عقيدة من العقائد أو دين من الأديان أو طائفة من الطوائف. Il dit clairement, les sept harakat l'ikhwan. Il dit le groupe ikhwan, qu'on connaît nous aujourd'hui. Il dit le groupe d'ikhwan, il combat aucune aqida. Il ne combat pas. Islam, Yahoudia, Nasraniya, c'est tout ça même. Inda. Sallallahu alayhi wa sallam. Qal, min al-aqaid, ou din min al-adjan. Al-muslim, il doit combattre le kufr. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فهو الآن يجي لا لا نحن نكوبا باسا لهذا ضمانوت مقال دي أن حروبنا وعدوتنا مع اليهود ليست من أجل الدين يجي لفت كو لبخوبلم كون اك اليهود ونكوبا سيبا بور الدين أي سيبور لا تير فقط كما قال الزائر القرضاوي شو ستمونت أن هؤلاء سيد الدعاة لهذا الفكر فانتبه أيها المسلم الكفار ils des égarés parmi les musulmans pour propager hada. La nasil kafir vient et t'appelle, katir mais les musulmans ne les accepteront pas. Là qu'ils les ont pris haoula, ils les manipulent et ils appellent ila hadi al-afkar. Wa qala, on cite un autre qawl, hatta sa wadih, wa qala Sayyid Qut, wa huwa min ru'us al-ikhwan, fa munharif, qala inna hurriyat al-i'tiqad. On va appeler clairement à la liberté dans l'aqida. Tu crois ce que tu veux. Wa indahum sa imam. عندنا سانضال قال هي قال إن حرية الاعتقاد هي أول حقوق الإنسان التي يثبت له به وصف الإنسان فالذي يسلب إنسانا حرية الاعتقاد إنما يسلبه إنسانيته ابتداء والعياذ بالله اتمنى أن حرية الاعتقاد c'est parmi les droits de la personne. T'as pas le droit de lui enlever. Si tu lui enlèves ce droit, enfin, c'est comme si c'était plus un être humain. Sallallahu alayhi wa sallam. En gros, crois ce que tu veux. Soit un Yahoudi, un Nasrani, l'akhiré, t'es libre. Al-an, hada, c'est pas du da'wa et la démocratie, wadih. Ça te montre qu'un. Et haoula, chez les musulmans, c'est des ulama. Chez Katir, il y a des musulmans. Sayyid Qutb, Hassan al-Banna, l'akhiré, عندهم, c'est des a'imma. On te rend dhalal qu'ils appellent. Fahdhar, ayyuha al-muslim. Ihdhar min hadi al-afkar, fa samin al-kuffar. Ça ne vient pas du Coran ou du Rasoul ou min al-Muslimin, hada, abadan. C'est des choses qui viennent min al-Kuffar et ils ont colonisé les bilades musulmines avec ces afkars. Avec ces afkars, ils ont fait beaucoup de mal. Nas'alullah, Azza wa Jal, an yantaqima minhum. Et demain, Inch'Allah, dahab al-waqt, on continuera. Subhanak Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.